Petit à petit, l'oiseau fait son nid sur un tas de confettis. Il a fait son lit. Il s'est brûlé les ailes, tombant sous le charme des plus belles. Il n'a eu que le sel, le plaquant au sol et le nez dans vos selles. Lui qui croyait que le ciel lui appartenait et que les nuages se dissiperaient à son mariage. Sur un tas de confettis, il a fait son lit. De facéties ont eu raison de son appétit. Lui qui croyait que le ciel lui appartenait et que les nuages se dissiperaient à son mariage. Sur un tas de confettis, il a fait son lit. Battu pourtant, conscient qu'il n'était pas dans son élément. Et les marées noires ont englué la plume dans le désespoir. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Sur un tas de confettis, il a fait son lit. Il a fait son lit.